On va parler du Masters avec notre ami Serge Cloutier. Salut Serge. Bonjour, Danny. Serge, évidemment, Patrick Green. C'est là qu'on voit quand même que le gars est capable de gagner. Moi, j'ai déjà vu des no-names, excuse-moi, mener après deux rondes, après trois rondes, puis finalement, il s'écrase parce que la pression. Mais force est d'admettre que Patrick Green, il a bien répondu à la pression. Moi, je vais te dire bien honnêtement, là, au début, quand ça a commencé jeudi dernier, je pensais pas que Patrick Reed gagnerait. Je pensais que Rory McIlroy, c'était un retour pour lui. Il n'avait jamais gagné le Master. Il a gagné trois autres, mais il n'a pas gagné le Master. Alors, j'avais pris Rory McIlroy pour gagner. Mais Patrick Reed figure parmi les 10 meilleurs golfeurs au monde présentement. Alors, il y en a beaucoup qui l'ont pris. Mais moi, ce que j'ai trouvé remarquable dans son cas, c'est de résister hier à la poussée des Jordan Spieth puis des Ricky Fowler qui ont vraiment, vraiment bien joué pour remonter. Et il a réussi à gagner avec un beau putt, là, comme on dit en termes de golf, au 18e trou, sous la pression. Alors, faut que tu sois fait fort. Parce que, tu sais, c'est dur, là. Nous autres, on voit ça de loin, là. Mais là, il jouait pour 1 900 000 ou à peu près, puis il jouait pour la gloire de gagner le Masters, le tournoi le plus prestigieux. Alors, chapeau à Patrick Reed, qui est déjà un excellent golfeur, mais qui est devenu encore meilleur hier. Puis là, mais là, dans le cas de Patrick Green, Serge, tu me corrigeras, je me trompe, je suis pas un grand connaisseur de golf. Par contre, ça a été, ça a pas été un walk in the park tout le long, là. Oh non, non, non, non, parce que souviens-toi que vendredi, Jordan Spieth menait. Patrick Reed est revenu. Il a pris la pole, comme on dit. Il a terminé la fin de semaine premier samedi avec une avance confortable sur Jordan Spieth. Sauf que là, il est revenu. Puis là, il a joué juste pour faire la normale aux alentours d'eux. Par sa dernière ronde, hier, il a joué 67. C'est très beau, mais il reste quand même que. C'était pas facile. Alors, moi, je trouve qu'on a eu un excellent master. Et où Rory McIlroy avait la chance de rejoindre, parce que quand ça a commencé dimanche matin, Rory McIlroy jouait avec Reed, les deux ensemble, les deux meneurs, mais McIlroy était à trois coups de Reed. Il en a retranché un au trou numéro un. Puis là, il avait une chance en or pour un eagle d'à peu près un putt de 4-5 pieds aux deux. Il l'a manqué, ça a été terminé pour Rory McIlroy. Parce que lui, s'il fait ce putt-là, il vient de rattraper, après deux trous, Patrick Reed. Et ça n'a pas été le cas. Puis on dirait qu'après ça, Rory McIlroy s'est mis à mal frapper la balle, à manquer des roulées. Et là, ça a été la descente aux enfers pour lui, parce qu'il a terminé tout de même assez loin. Alors, il a fait assez loin. Il a terminé à moins 9, mais il reste quand même que. Il était plus dans la course, mais plus du tout, puis il jouait contre celui qui dominait. Alors là, c'est là qu'on s'est rendu compte que McIlroy, il l'avait pas hier, puis il n'a pas été capable de gagner. OK. Dans le cas de Tiger. Ah, mais Tiger, il a bien fait Tiger, ça, il a surtout évité la la journée coupure. d'hier. Oui, puis il a évité la coupure. C'était ça, probablement, sa première objectif, hein? Ben, écoute, Phil Mickelson puis Tiger Woods ont évité la coupure. Ils ont joué en fin de semaine. Mais Mickelson a terminé ordinaire, mais Tiger, là, il a fait plusieurs joiselets en fin de semaine, des birdies, comme on dit, là, en bon terme de golf. Il a même fait un eagle, un aigle, trois sur un par cinq. Il a terminé avec un bogey, un au-dessus, mais il a fini à plus un. Alors, tu sais, il est pas capable de vraiment être dans les meneurs pour la dernière journée, mais il a connu un très bon tournoi dans les circonstances pour un retour pour lui, parce qu'il faisait 2 ans qu'il faisait pas le Masters. Je pense que Tiger Woods sera toujours une attraction dans les prochains tournois qui s'en viennent, surtout ceux qui restent là, pour les grands chelems comme le US Open, le British Open, puis le championnat de la PGA. Mais Tiger, en fin de semaine, il a pas joué comme un champion. Mais il a très bien joué. OK. Serge, ça donne quoi un master? Ça donne. Lui, là, il va être invité en tant que gagnant du master. À tous les masters, il n'y aura pas de qualification, là. Lui, au fait qu'il a gagné le master, il va être invité à chaque année, hein? Exemption à vie. OK. quand tu gagnes le Masters, d'avoir le prestige de porter le veston vert, ouais, et tu n'as plus besoin de te qualifier. Tu t'es assuré à toutes les années de jouer le Masters. Mm. Parce qu'il y en a des gars, m'a donné un exemple, Ian Poulter, okay, qui est tout de même un très bon golfeur, a fallu qu'il gagne le tournoi la semaine précédente pour se qualifier pour le Masters, parce qu'il n'était pas sûr de jouer cette année. Il avait redescendu dans le classement des meilleurs au monde, puis la Coupe FedEx, puis ainsi de suite. Alors lui, il a gagné le tournoi, il s'est qualifié. Okay. Dernier qualifié. Mais quand tu as déjà gagné le Masters, c'est une invitation automatique. OK, OK. Donc, on va suivre ça. Serge, un gros merci. On s'en reparle au prochain tournoi majeur qui est normalement, c'est quoi? C'est au mois de juin à peu près? Oui, au mois de juin, le US Open. Parce ouais, que le British Open est après, au mois de juillet, en Angleterre ou en Écosse. Ouais. Mais on va se reparler pour le US Open, voir comment les golfeurs vont être rendus dans le classement, puis comment notre ami Tiger Woods va se comporter aussi. OK. Serge Cloutier, qui nous parlait de la victoire de Patrick Greene au Masters.